Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast de la Minute du Chauffage. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble nos gammes de têtes thermostatiques pour radiateurs. Danfoss a inventé le robinet thermostatique il y a plus de 80 ans et aujourd'hui, plus de 40 millions de foyers sont équipés de cette technologie. Nous avons en effet introduit nos premiers robinets thermostatiques en 1943. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, nous sommes heureux de présenter cette nouvelle gamme de têtes thermostatiques développée en coopération avec nos clients et assurant les normes de précision de régulation les plus élevées dans toute la gamme. Les robinets thermostatiques Danfoss répondent aux exigences des réglementations environnementales et aux besoins des clients pour offrir la meilleure performance énergétique du marché. Ils maintiennent la température ambiante souhaitée pour un confort optimal dans votre maison, pièce par pièce. Le temps de réaction rapide par rapport à un robinet thermostatique manuel permet de réduire la consommation d'énergie et la facture de chauffage. L'installation est rapide et facile pour les bricoleurs comme pour les professionnels et ils ont une durée de vie de plus de 20 ans. Notre nouvelle gamme intègre à la fois des têtes thermostatiques à la technologie gaz et d'autres à la technologie liquide. Elle combine les caractéristiques bien connues des anciennes gammes de têtes thermostatiques avec en plus de nouvelles fonctionnalités innovantes. Nous entendons aussi combien le design est important pour l'utilisateur final et nous en avons tenu compte. En même temps, nous avons conservé des caractéristiques telles que notre connexion Snap par encliquetage, appréciée par les installateurs du monde entier pour offrir une solution rapide et sûre lors de l'installation. La nouvelle gamme offre la régulation de la température ambiante la plus précise du marché. En avril 2021, la refonte de la norme NFEN 215 a mis en place de nouvelles exigences en matière de performance énergétique. La norme contient une classification de la régulation définie par une valeur CA qui détermine la précision de régulation d'un robinet thermostatique. Plus la valeur CA est basse, plus le produit maintient précisément la température souhaitée dans la pièce. Les thermostats d'une valeur CA plus basse aide les clients à limiter les surconsommations et à obtenir un meilleur confort dans la pièce. La nouvelle gamme de thermostats de Danfoss est approuvée EN 215 et atteint le classement le plus élevé possible avec 0,2 pour toutes les variantes de la gamme. Nous savons combien les économies d'énergie et l'efficacité sont importantes pour nos clients et pour notre planète. Et nous pouvons certainement dire que tous nos nouveaux robinets thermostatiques offrent la régulation de la température ambiante la plus précise et la meilleure performance énergétique du marché. La nouvelle gamme de robinets comprend également des versions sécurisées, inviolables, très robustes, dédiées aux collectivités. Un accessoire anti-vol qui offre une protection supplémentaire. Les thermostats aéro, spécifiques collectivités, sont également dotés d'options intégrées de limitation de la température afin que le gestionnaire du bâtiment puisse empêcher les occupants d'une pièce de modifier la température du thermostat. En ces temps où de nombreux établissements publics ont abaissé la température intérieure pour économiser de l'argent et de l'énergie, cette fonction peut aider à garantir que tous les thermostats restent à la température définie. C'est une version renforcée, anti-vandalisme, anti-vol pour les bâtiments publics. La nouvelle gamme de têtes thermostatiques inclut également des caractéristiques développées en pensant donc aux installateurs. Nous avons repris notre caractéristique unique, la connexion Snap, par encliquetage. Elle était également disponible sur nos gammes précédentes et nous l'avons incorporée sur nos nouveaux produits. Il s'agit d'un raccordement par clic qui permet une installation rapide, sûre et sans outils. Il suffit de cliquer, de tourner et le tour est joué. La tête thermostatique fonctionne immédiatement, sans calibrage, sans réglage ou entretien après l'installation. Et le léger clic vous indique qu'elle est en place, ce qui vous permet de continuer de travailler. Les installateurs peuvent également utiliser l'application Danfoss Installer pour accéder aux outils d'installation et aux conseils de conversion dont ils ont besoin. Cela facilitera la mise à niveau des installations vers la nouvelle gamme de têtes thermostats. Notre application Installer App est téléchargeable facilement via l'Apple Store ou Google Play et elle facilitera le passage vers la nouvelle gamme de têtes thermostatiques. Découvrez dès maintenant notre nouvelle gamme composée de Danfoss Aero, Danfoss React ou encore Danfoss Redia. Découvrez ainsi les têtes les plus réactives du marché. Avec un temps de réponse de seulement 10 minutes, le soufflet à gaz est ainsi au cœur des thermostats de radiateurs aéro le plus rapide du marché. Cela ne garantit pas seulement un contrôle plus précis de la température et une meilleure expérience pour vous ou vos clients, il permet également d'offrir une solution plus efficace sur le plan énergétique. Conçues pour la vie de tous les jours, toutes les pièces de la maison sont prêtes pour de nombreuses années, et ce sans avoir besoin ni de piles, ni d'entretien. Et nous continuons dans ce sens en offrant une garantie de 5 ans sur une longue liste de robinets et de têtes thermostatiques d'Enfos installées par un professionnel. Cela vous permet de fournir le meilleur service et le meilleur confort possible à vos clients avec des produits en lesquels vous pouvez avoir confiance. En conclusion, notre nouvelle gamme de têtes thermostatiques mécaniques pour radiateurs, qui comprend d'Enfos Aero, d'Enfos React ou encore d'Enfos Redia, est conçue pour offrir une efficacité énergétique maximale et un confort intérieur optimal. Avec des caractéristiques innovantes et une installation simplifiée, nous sommes convaincus qu'elle répondra à tous vos besoins en matière de chauffage. Pour en savoir plus sur notre nouvelle gamme de robinets thermostatiques, visitez trv.denfos.com. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois dans la Minute du Chauffage.